I set down these notes on paper. I'm obsessed by the thought that I may be the last living man on Earth. Salut, bienvenue à une autre édition de Subversion, édition du vendredi 29 avril 2016. Je suis Sylvain Latour, alias DJ Tower of Death, avec vous jusqu'à 19h30 sur Underground Québec Radio et via toutes sortes de plateformes et d'appareils, des cellulaires, des iPads, des SUV, toutes sortes d'affaires. Et aussi, je sais que c'est possible de nous écouter en direct via des applications comme TuneIn. Et bon, je les connais pas tous, mais c'est vraiment cool puisque on peut nous écouter d'outre-mer. Et for those who are listening from other planets, greetings from Montreal, and we're gonna have some killer Quebec metal bands in the show. Et aussi, qu'est-ce qu'on va avoir aussi? Ben, en fait, il y a un concert ce soir à Montréal, au Catacombe, Obsolete Mankind avec Nick Roth, un groupe de Californie. Et puis, ça risque d'être assez brutal sur Coin Saint-Laurent, Ontario ce soir. Donc, on va entendre ces groupes-là aussi vers la fin de l'émission. À porte de ça, pourquoi pas y aller tout de suite en musique, hein? Oui, c'est vrai, on va avoir entre autres, on va avoir un extrait du fameux chanteur québécois Pierre Lapointe qui s'est exprimé sur un topic à l'émission Personne n'en parle. Alors, on va en entendre parler un petit peu plus loin dans l'émission aussi. Alors, OK, on y va avec... ce premier bloc. On va entendre les Suisses de Coroner, on va entendre aussi DRI, mais avant Nuclear Assault, avec un classique parmi les classiques de leur album Handle Will Care de 1989, Critical Mass, la subversion sur Underground Québec. We'll be right back.

c'est toujours bon du Coroner, hein? Alors, on vient d'entendre cette excellente formation suisse avec Suicide Command. C'était tiré de leur premier album R.I.P. de 1987. C'était paru en juin. C'était précédé de DRI avec Couch Slotch, ce groupe de Houston qui avait enregistré cet album à Houston, justement, Dealing With It. Ce Dealing With It de 1985. Et ouais, c'est ça, c'était une des très bonnes pièces de l'album. Et en début de bloc, Nuclear Assault avec Critical Mass. C'était tiré de leur troisième, je pense, de 1989. Ça, c'était sorti sur Ineffect, qui était la compagnie sœur de Relativity, qui se consacrait essentiellement à des groupes de la côte Est à ce moment-là. Alors, ça a été réédité aussi sur Century Media en 2011. Ce Handle With Care, ça avait été produit par Randy Burns, qui avait travaillé aussi avec Dark Angel, Crumbsuckers, Agent Steel, DBC aussi. Alors, c'est toujours le fun à réentendre. Il est 6h45, vous êtes toujours sur le stream d'Underground Québec, à l'émission Subversion. Et prochain bloc, on va entendre des formations, une nouvelle formation de Belgique, Bark. On va entendre aussi des groupes qui ont passé sous le radar et malgré l'excellence de leurs produits, malgré le débordement de talent, le grand potentiel, ou comment ils ont pu exceller dans leur style respectif. Je parle de Martyr de Trois-Rivières et de Extol, qui est un groupe norvégien qui était au départ considéré comme un espèce de groupe de Christian metal, en fait, mais dans le métal extrême. On parle de black metal progressif, ni plus ni moins. Un peu inspiré de Believer, peut-être un dérivé, mais avec un côté plus sombre, dans les débuts du moins. Et puis c'est devenu tranquillement un peu plus mélodique et progressif. Ils sont revenus plus agressifs là, avec leur dernier de 2013, l'album éponyme Extol. Extol, en passant, c'est pas un produit pharmaceutique, hein? Vous ne trouverez pas ça chez Pharmaprix. Pour souligner un peu, pour parler de ces groupes qui ont passé sous le radar inexplicablement, des fois c'est... parfois c'est dû des fois à des mauvaises décisions durant une carrière ou contre le gré des artistes, hein, parfois on tombe dans un engrenage où on n'y peut rien et là la business rentre en ligne de compte et tout ça au détriment de l'artiste et de l'art. Alors pour appuyer un peu ce fait, on va entendre ce chanteur québécois Pierre Lapointe qui s'est exprimé récemment à Radio-Canada à l'émission Personne n'en parle, alors je laisse parler et ensuite on va entendre dans l'ordre Martyr, Bark et Extol. Les gens qui n'étaient pas autour de la table, qui ne connaissent pas le milieu de la musique, puis ont des goûts relativement straight, ben on finit par foutre la merde là-dedans et je le dis, fuck off, ça me met en tabarnak. We'll be right back. Le concepteur du message subliminal est parfaitement conscient de l'objectif qu'il veut atteindre, à savoir une révolution en profondeur capable de toutes les subversions. C'était Martyr de cette formation trifluvienne que vous avez sans doute reconnu avec Havoc, tiré de leur album Feeding the Abscess de 2006, qui figure, en fait, qui est arrivé bon premier dans le top 100 des meilleurs albums des années 2000, en fait, de la première décennie de 2000 à 2010, selon DJ Tower of Death. C'est pas rien, hein? L'album avait été... L'album avait été lancé à l'Halloween 2006. Ça avait été coproduit par Pierre Rémillard et Yannick Saint-Amand, avec de nombreuses collaborations, dont Blackie de Voivode, Brain Leboeuf aussi au niveau de, du studio pour la voix et de coaching de voix, et plusieurs autres collaborateurs. Ça en fait un album très mathématique, mais aussi très inspiré, et beaucoup inspiré des racines du métal, en fait, qui ont vraiment inspiré Daniel Mongrain à composer l'album, comme Oblivion, DBC, Voivode, tous des groupes qui l'ont vraiment poussé à faire cet assemblage, finalement. Un album qui est toujours aussi pertinent en 2016, qui pourrait sortir cette année, et même en 2026, c'est toujours aussi pertinent. Alors, ouais, c'est ça. Avant ça, on avait eu Bark, formation belge, avec Venomous Blood, de l'album du même nom, paru en janvier dernier, sur Sideburn Records. Formation de Antwerp, en Belgique, que Sinistros, en fait, notre ami Guillaume Gagnon, sur son blog hurlement.com, fait mention. Et cite pour la critique de l'album, même si Bark ne réinvente pas le bouton à quatre roues, il a le mérite de pondre un album bien ficelé, efficace et vraiment divertissant. Attention aux excès de vitesse, si vous écoutez cet album en voiture, on se laisse rapidement entraîner par la tornade sonore. Et moi, quand je roule sur l'autoroute et je vois un SUV faire d'attitude en arrière de moi dans le rétroviseur ou celle-là sur la voie rapide, là, j'ai pas l'impression qu'il écoute de cette musique-là, mais plutôt quelque chose de bien plus agressant, style, je sais pas, Sylvain Cossette ou Marie-Mé ou quelque chose de... Ah, en tout cas, OK. Et au début du bloc, on avait eu quoi? Extol. Une de mes formations norvégiennes préférées et dans le métal globalement. Extol figure parmi mes favoris aussi. La pièce était Betrayal. C'était paru sur l'album éponyme de 2013, qui est en fait leur cinquième album à ce moment-là. Et il y a juste Peter, hein, des frères Espevol, qui était en fait les deux frères qui avaient formé le groupe en 93. Seul Peter est encore dans le groupe avec le batteur David Osvik. Et puis maintenant c'est un trio Extol. Et puis c'est une autre formation qui a vraiment passé sous le radar avec un style assez unique, propre à eux, et qui est digne d'être redécouvert. Alors, je vous conseille n'importe quoi, qu'est-ce qu'ils ont fait, Synergy en 2003, même avant ça, tout qu'est-ce qu'ils ont fait, ça vaut vraiment le détour. Il est 7h, vous êtes toujours sur le stream d'Underground Québec, à l'émission Subversion, et dans le prochain bloc, on va avoir trois autres formations qu'on pourrait dire qui ont passé sous le radar aux autres ici, pas mal. Je dirais, ou voire sous-estimé, les Britanniques de Hackercock, les Suédois de Afflicted, groupe mythique du Swedish Metal, mais avant, autre groupe mythique, celui-là du Québec, Oblivion, avec une pièce live enregistrée. Ben, en fait, c'est issu d'un enregistrement caméra de 95, c'est issu d'un spectacle aux Faux-Fonds électriques. Pas sûr de l'année, en fait, hein, parce que bon, le groupe tentait de lancer leur album Cyber Void, qui était en juillet 95, il était prêt à être lancé, mais avait dû attendre. Cargo, là, c'est en train de se transformer, ou je sais pas trop quoi, là. Il leur avait proposé de sortir ça sous un autre label au début de l'année suivante. S'il y a eu beaucoup de délais finalement, je pense que l'album avait été disponible au Canada seulement en avril de l'année suivante et lancé en juin au Spectrum. Je dis ça sous toute réserve puisque c'est un peu nébuleux l'historique, j'ai pas pu tout vérifier. Mais tout ça pour dire que je parle de Cyber Void parce que quand j'ai vu les images de cette performance à Montréal, j'ai reconnu, évidemment, c'est une pièce de deuxième album, Nemesis, mais avec le son de Cyber Void, ça m'a tellement rappelé leur performance qu'ils étaient venus faire au Ritz de Val-d'Or. Parce qu'il faut savoir que Oblivion, à chaque fois qu'ils lançaient un album à Montréal, ils venaient nous présenter ça au Ritz à Val-d'Or une semaine après ou pas longtemps après. Donc, écoutez, là, je pense que c'est une des trois meilleures performances que j'ai vues à vie. Un mur de son gigantesque pour un si petit endroit dans ce petit bord de la 3e avenue à Val-d'Or. Donc, de très bons souvenirs, de très beaux parties à chaque fois qu'Oblivion venait et d'autres groupes aussi. Je voudrais saluer Alain Demers en passant, le batteur qui nous écoute régulièrement, je pense. Et puis, donc, c'est ça, on va y aller avec Oblivion, avec Factory of Delusions, live. Et puis, mais avant, une publicité. Chez Perron Auto, le soleil est arrivé. C'est le festival du printemps, profitez-en! L'air climatisé gratuit sur des Tempo 88. Des taux d'intérêt à partir de 3,9% sur les escortes en inventaire. Des rabais jusqu'à 3 000 $ sur certaines voitures sport et plus encore. Gagnez cette magnifique piscine soleil. Pour offrir ce qu'il y a de mieux, chez Perron Auto, on n'a pas peur de se mouiller. Perron fait sensation. We'll be right back. planétaire. Underground Québec. entendre cette étrange formation de Londres, Akerkok. Moi je la prononce comme ça, il y en a d'autres qui le prononcent comme ça aussi. D'autres, en fait, de certaines sources, ça serait Akerkoki, mais. Nom de Dieu! Un peu de sérieux, non, mais. Moi, des bandes, là, tu sais, qui ont pas. Des bandes avec des noms qui ont pas, qui ont pas d'allure, des noms de tu sais, des noms de popcorn puis de yogourt, là, comme Yob, là. Ça passe quand j'ai l'émission. Pourquoi? Mais si vous n'êtes pas capable d'avoir des noms qui ont de l'allure, là, ben. Fuck off. Ben, c'est ça. mais ça a été une demande spéciale pour mon ami Pat Loisel, hein, le prof, la formation Augury, évidemment, qui nous avait demandé la pièce Verdelette de l'album Words That Go Unspoken, Deeds That Go Undone de 2005. C'était leur quatrième de cinq albums. Avant ça, on avait eu Afflicted de Stockholm avec DMT Word. C'était paru sur Prodigal Son, paru en décembre 92. Ça avait été produit par Thomas Kosberg, qui évidemment avait travaillé, comme vous savez, probablement avec Entombed, Dismember, At the Gates et Conorous Quintet aussi, entre de nombreux autres. Et en début de bloc, Oblivion avec Factory of Delusions, tiré d'une performance live en 95. Probablement avant le lancement officiel de Cyber Void. Et puis, vous avez entendu ce batteur, hein, bon, Alain Demers, j'en parlais tantôt, Alain, qui, bon, vous l'avez entendu, moi, en tout cas, je l'ai vu jouer, et puis, ben, comme je disais d'entrée tantôt, le groupe venait au Ritz, à chaque lancement d'album. Et puis, moi, je les avais vus pour successivement Nemesis, Cyber Void et Carnivore Motormouth. Et puis, moi, j'avais un ami batteur à Rouen qui m'en reparlait souvent du jeu de batterie, Alain, très précis, vraiment fascinant à voir aller. Chaque frappe était importante dans les moindres détails. Tout était right on. Et vraiment, c'était tout un groupe à voir aller. Oblivion, un des très beaux fleurons du métal québécois. 7h02? Non. Oui. 7h22, vous écoutez Subversion sur Underground Québec Radio. On a le temps pour encore deux pièces. Vous savez, il y a un concert ce soir. Avec Necrot, formation d'Oakland, et Obsolete Mankind de Montréal, qui ouvriront pour eux. Je vous en reparlerai du concert à la fin. On va aller écouter tout de suite une pièce de chacun de ces groupes. Alors, on y va tout de suite avec Obsolete Mankind, avec Sleep Paralysis, après cette pause publicitaire. C'est la semaine des jeux et jouets chez Distribution aux consommateurs. Les solides jouets Tonka, faits de façon réaliste, ils possèdent des pièces qui se déplacent et sont construits de manière à résister aux jeux des enfants. Les solides jouets Tonka, voilà de bonnes affaires chez Distribution aux consommateurs. Dites donc. Distribution aux consommateurs. Dites donc. Thank you.

entend ce groupe d'Oakland, Necrot, avec Into the Labyrinth, série d'albums de Labyrinth, paru ce mois-ci, je pense, en le 15 avril dernier, sur Tank Crimes Records. Ouais. Et puis, cette formation sera au Catacombe ce soir, tout de suite après l'émission, dans environ 1h30. Avec Obsolete Mankind qu'on a entendu précédemment, avec la pièce Sleep Paralysis. C'était tiré de l'album False Awakening qui a eu un an cette semaine déjà. Donc, ces deux formations seront sur les planches des catacombes à compter de, je pense, c'est 9h ou 9h30. Je pense qu'ils ont repoussé ça à 9h30 pour accommoder les ceux qui reviendront du concert de Amon Amarth dans une salle voisine avec Antomedy. Donc, vous ne manquerez pas de bruit ce soir. Si vous voulez vous faire rincer, c'est le temps d'y aller. À noter aussi, il y a un autre groupe à l'affiche au Catacombe dans ce concert organisé par Grimposium et Broken Board. Obsolete Mankind, Necrot et Skull Shitter. Skull Shitter. Come on, c'est quoi ce nom-là encore? C'est pas croyable. Skull Shitter. OK. Parlant d'Obsolete Mankind, pour ceux qui ne savent pas, la formation comprend Jean-Philippe Sigouin à la basse, Jean-Sébastien Gagnon aux drums, Yann Thiel guitare, Sam Dufour guitare et Marie-Hélène Landry au vocal. Tous c'est des membres et anciens membres de plusieurs formations ou ex-formations montréalaises, Neuraxis, Ateretic, Vengeful, Phobocosm, Obscene Crisis, Vociferation, Despise Icon, Torn Within, Towers Darkness. OK. Bon, on va défoncer. Bon, mais là, écoutez, vous avez joué dans trop de bandes. On a défoncé notre horaire à cause de vous autres. OK, non, c'est pas vrai. OK, c'est tout pour moi cette semaine. La semaine prochaine, il se passe rien. Dans deux semaines, le déjeuner, le restaurant a été booké, je pense. Non, pas encore. Bref, on devrait avoir cette entrevue avec Phobocosm dans l'émission du 8 mai, si je me trompe pas. Non, c'est pas vrai. C'est le 5. C'est la semaine prochaine, coudon. Oui, c'est la semaine prochaine. OK. Je suis tout perdu. Faut que je check mes dates, moi, là. En tout cas, c'est pas la semaine prochaine, c'est ça l'autre. Bon. Alors, j'espère que cette émission vous a plu. Et puis, n'oubliez pas de surveiller la page Facebook de Subversion, hurlemort.com/subversion aussi pour les émissions antérieures, SoundCloud, Subversion Metal, les émissions de la Grande Inquisition contre la musique populaire, évidemment, rockclassique.net, réanimationod.com avec nos amis le Rockmaster Alain Lefebvre et le Dr. Pendragon. Donc, je vous dis à la semaine prochaine et revenu pour plus de musique subversive. Spread the word pour Subversion. Salut!